sont partis de rien débarquer du deux blé. Ils ont connu la galère, donc le manque de blé. D'emblée en France, ouais, ils ont trop souffert. Venus dans ce bled, juste pour les souffrir. Et ont su faire en sorte de bâtir. Pour ne pas les regretter avant, je veux partir à partir. Du premier jour, mes repères, c'est celle et celui qui tous deux m'ont percé. Je dois percer pour retoucher le firmament. Voir mon père sourire, rentre fermement. Fermement, on n'est plus édine. Ils m'ont appris les vraies valeurs, inculquées d'in. Je te le dis, prends soin d'eux avant qu'ils s'en aillent. Ils m'ont pas dit une vie de zéro partie sans mal. Je me sens mal, sincère, ces vers jaillissent de mon cœur, de mes tripes depuis jadis. L'amour d'une mère, impossible à déceler. Pourtant, j'ai fait, je tiens à dire, je suis désolé. Désormais, fier de tous vos sacrifices. Message d'affection de la part de vos fils. L'amour d'un père, impossible à déceler. Pourtant, j'ai fait, je tiens à dire, je suis désolé. Désormais, fier de tous vos sacrifices. Message d'affection de la part de votre fils. Génération ouvrière, daron retraité. Je n'ai plus le droit à l'erreur pour ne pas regretter. Refléter sa vie loin d'être harmonieuse. À l'idée de les perdre, j'en ai les larmes oyeuses. Laborieuse mentalité en cherche de dirham. Le pas range du dimanche au samedi ram. Et tu me diras de leur dire si mère. Je réussirai pour eux, non ce n'est pas une chimère. Ces mères et pères lâches qui se sentent en allée. Laisser leur progéniture au fond d'une allée. Doit aller d'eux, profite de leur présence. Ouvre les yeux, tout cela a un vrai sens. Mon essence, c'est de les voir combler. Fier et sourire d'un bonheur complet. L'amour qui me porte vaut ton or tes billets. Ce morceau à tous les parents du monde est dédié. L'amour d'une mère, impossible à déceler. Pourtant que j'ai fait, je tiens à dire, je suis désolé. Désormais fier de tous vos sacrifices. Message d'affection de la part de vos fils. L'amour d'un père, impossible à déceler. Pourtant que j'ai fait, je tiens à dire, je suis désolé. Désormais fier de tous vos sacrifices. Message d'affection de la part de vos fils. Une mère c'est sacré, sache que t'en as qu'une. Toujours à tes côtés, même dans les pires lacunes. La dune, l'un de valoir l'amour qu'elle te porte. Dis-lui je t'aime avant que la mort l'emporte. Il supporte ton père à l'allure autoritaire. Au fond avec Dieu, le genou jamais à terre. Fier gagnant son dû à la sueur de son front. Envers eux sois respectueux, sincère et franc. Enfant toujours là pour te consoler. Amour parental se fait dur à consommer. Au sommet, en haut lieu, naviguant sur les mers. Le paradis se trouve au pied des mers. L'amour d'une mère, impossible à déceler. Pourtant que j'ai fait, je tiens à dire, je suis désolé. Désormais fier de tous vos sacrifices. Message d'affection de la part de vos fils. L'amour d'un père, impossible à déceler. Pourtant que j'ai fait, je tiens à dire, je suis désolé. Désormais fier de tous vos sacrifices. Message d'affection de la part de vos fils. L'amour d'une mère, impossible à déceler. Pourtant que j'ai fait, je tiens à dire, je suis désolé. Désormais fier de tous vos sacrifices. Message d'affection de la part de vos fils. L'amour d'un père, impossible à déceler. Pourtant que j'ai fait, je tiens à dire, je suis désolé. Désormais fier de tous vos sacrifices. Message d'affection de la part de vos fils. Pour les parents, MC Ricta. C'est Ricta.